Une affaire bien parisienne. Chapitre 1er. Aux environs de 1906, une jeune actrice, aimable, gracieuse, pétulante, spirituelle comme un vrai Gavroche parisien, avait marqué d'un cachet très personnel dans la Savelli, la fameuse pièce de Max Moret, jouée par Réjeanne en son théâtre, un rôle en soi assez insignifiant, celui de la sous-préfète provinciale qui se parisianise trop. On chanta ses louanges sur tous les tons, on la mit en vedette, on la lança, et cette célébrité de carton et de clinquant lui valut les hommages d'un personnage assez singulier, financier richissime, beau-frère d'un homme d'État illustre, envers lequel il nourrissait la plus solide inimitié, à ce point que, pour lui créer des ennuis sérieux, il avait fondé un journal populaire qui ne coûtait qu'un petit sou et dont le prix d'abonnement était remboursé par une prime, assez singulière à la vérité, puisqu'elle consistait en un fusil modèle 1874, dit fusil grasse et sa baïonnette. Pour 18 ou 20 francs par an, on recevait ainsi un fusil, une baïonnette et une feuille d'opposition à l'allure incendiaire. Pour 100 sous de plus, on avait droit à 25 cartouches à balles, le fusil étant destiné à tirer la grosse bête, sanglier, cerf, daim, etc. On mit bon ordre à cela en saisissant les armes et le financier, dégoûté de la politique, recommença à faire la fête. Ce fut alors qu'il aspira à devenir le chevalier servant de Louise, la jolie actrice. Mais il était si laid, énorme, bouffi, lipu, effroyablement chauve, avec deux gros yeux de crapaud obèse, toujours clignotant, que l'on mit de longs jours à entendre ce qu'il disait. Pourtant, et parce que ses propos galants s'accompagnaient de l'envoi de fleurs, de bonbons, d'une automobile, de fourrures, de perles et de chèques, on lui prêta une oreille plus attentive. On apprit un beau jour que l'on avait volé trois des plus beaux colliers de la jeune femme. L'un, composé de 54 perles blanches parfaites, du plus bel Orient, formées en chute, dont les plus petites étaient grosses comme des pois et dont la perle centrale, parfaitement ronde et pure, atteignait à la taille d'une noisette, valait à lui seul une petite fortune. Le financier, directeur de journal, l'avait payé un demi-million à l'un de ses débiteurs, qui, lui, l'avait acheté au prix de 800 000 francs. Les deux autres colliers, l'un de perles grises et d'émeraudes rondes percées, étaient de forme dite « choker ». Ils comportaient 13 perles grises, magnifiques, et 12 émeraudes d'Orient fort belles, mais percées. Enfin, le troisième, dit collier de chien, était composé de 300 perles blondes et comportait 9 barrettes de rubis et de diamants, dont l'une était faite à motif de fermoir, composé d'un gros diamant rose sans défaut, de 5,5 carats et de 6 rubis d'Orient, 100 de pigeons, réalisant un ensemble de choix et du poids de 9 carats. L'artiste avait porté les trois colliers, elle-même, chez son joaillier ordinaire, lequel avait son magasin rue de la Paix et ses ateliers aux environs du Palais-Royal. Il s'agissait de refaire le fermoir du collier de chien sur un autre dessin, de renfiler le collier de perles grises et d'émeraudes et d'ajouter 6 perles, fournies par la cliente, au troisième joyau. En présence de la jeune femme, on confia les 6 perles et les 3 colliers à un employé en qui l'on avait toute confiance, en lui donnant mission de les porter au chef d'atelier à qui l'on téléphona pour le prévenir d'attendre les joyaux afin qu'il les pût enfermer dans le coffre-fort le plus sûr. On enjoignit à l'employé de prendre une voiture pour aller plus vite et de téléphoner à la maison principale dès son arrivée à l'atelier. Il partit aussitôt. Il était 6h35. À 7h, il n'était pas arrivé. À 8h non plus. À 8h30, on alerta la police, discrètement, car on ne tenait pas à ce que l'affaire s'ébruitât. 2 heures plus tard, la police avertissait les joailliers, fort angoissés, car le montant du vol dépassait 2 millions, et c'était à cette époque une somme respectable, que l'on venait de découvrir dans une allée obscure de la rue de Balois, leur employé endormi, idiotisé, incapable de répondre à une question. Quant aux colliers, ils avaient disparu. L'affaire fit grand bruit. À son départ de la pension Trowbridge, Elsa Van Legel, riche de quelques livres sterling, de 2 robes neuves, d'un manteau convenable et de beaucoup d'illusions, s'était résolue à se rendre à Londres. Elle possédait parfaitement 4 langues, l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol, outre sa langue maternelle, un bon bagage classique, et jargonnait en plus le yiddish de l'Europe centrale et l'idiome haché, qui est la langue naturelle de la plus nombreuse tribu indigène de Java. Bonne musicienne, en outre, elle touchait fort bien du piano. Mais il lui fallut déchanter assez vite. On n'en voulait nulle part. Vous êtes trop jolie pour faire une gouvernante ou une demoiselle de compagnie, lui disait-on. Elle n'avait pas de brevet anglais lui permettant d'enseigner, et elle pensait très sérieusement à se faire caissière dans le commerce ou à s'engager sur une ligne de steamer, comme femme de chambre ou infirmière, quand on lui offrit une place sûre de lectrice de journaux étrangers dans une grande agence d'information. C'était assez mal payé, mais Elsa avait toutes ses matinées et soirées à elle. En outre, elle trouva des leçons particulières, des traductions. Elle apprit, en se jouant, la sténodactylographie. Bref, elle parvint à gagner de 20 à 25 livres par mois. Avec cela, elle pouvait vivre, aller au théâtre ou au concert, recevoir quelques amis. Mais elle ne se dissimulait pas qu'elle ne pourrait guère aller plus loin, sur le chemin épineux de la fortune, et qu'il lui faudrait se résigner à vivoter ainsi chichement si elle ne se faisait pas une autre situation. Ce fut grâce à sa profession que le récit du vol audacieux des trois colliers parvint à sa connaissance. Elle lut tout ce que l'on publia à ce sujet dans les journaux, sut que les voleurs étaient deux. L'employé volé avait fait de sa pitoyable aventure le récit suivant, publié par les journaux parisiens. Quand je suis sorti du magasin pour me rendre aux ateliers, un monsieur très bien mis, qui venait d'acheter devant moi des boutons de manchette en or et en émail, en sortit. « Oh, dame !» dit-il en anglais entre ses dents. « Quel temps affreux !» Il pleuvait à torrents, en effet. « Oui, » répondis-je, « il ne fait pas beau. Ce sont les giboulées de mars. C'est le temps de la saison. » Il me regarda parce que je lui avais répondu en anglais. « Est-ce que vous n'allez pas à Port-Royal ?» me demanda-t-il. « Oui. » répondis-je, un peu surpris de sa demande. « Je vais moi-même rue du Louvre, » me dit-il aimablement. « Je sais que vous êtes l'employé principal de la maison dont je suis le client. Si vous voulez que je vous dépose en chemin, je le ferai bien volontiers. » J'acceptai avec reconnaissance. Je gagnai 40 sous à la combinaison. Je montai dans le coupé, qui fila aussitôt au grand trot, conduit de main de maître par le cocher qui gagna la rue de Rivoli, tourna dans la rue des Tuileries et galopa vers les quais. « Mais il se trompe, dis-je. Hé là, cocher !» Je n'eus pas le temps d'achever. J'étais au même instant saisi à la gorge par une main de fer, empoignée, colletée, renversée. On m'appliquait avec force une compresse glacée sur le visage, tout en m'étranglant à demi. Je voulus crier, appeler. J'éprouvais un étourdissement violent, puis une sensation de piqûre aiguë à l'épaule, enfin un grand vertige, et je tombai dans le noir. Je ne suis complètement revenu à moi-même qu'à l'hôpital au matin. Interrogé par le chef de la sûreté quant au signalement du bandit, il déclara que c'était un homme grand, brun, grisonnant, portant jaquette noire, cravate plastron avec une perle. Il croyait se souvenir que cet homme avait une cicatrice à la joue gauche. Il n'avait pas vu le cocher, mais c'était à coup sûr, disait-il, un homme jeune et solide qui conduisait à merveille. Quelques détails suivaient, qui sont ici sans intérêt, touchant la vie privée et la moralité de l'employé. Puis, venait une annonce promettant une prime de 1000 livres sterling à qui ferait arrêter les coupables. On présumait qu'il s'était réfugié en Angleterre, car, à n'en pas douter, le cocher était de mèche avec l'autre coquin, puisque les deux hommes, après avoir agi ensemble, avaient abandonné la voiture et les chevaux, appartenant à un loueur des Champs-Élysées, sur le pont de l'Europe. Chapitre 2e. Elsa, malgré elle, ne faisait que penser à ces deux hommes et aussi, il faut bien l'avouer, à la prime de 1000 livres. Un sentiment singulier la dominait, qui lui faisait croire que si elle s'occupait de cette affaire, elle en connaîtrait vite le fin mot. Sous l'empire de cette conviction, que rien ne justifiait et dont l'absurdité lui apparaissait à tout instant, la jeune fille résolut d'agir dans ce sens et se confia à son chef de service en lui demandant 8 ou 10 jours de congé dans cette intention. Le chef rit aux éclats devant cette demande. Mais Elsa insista, tant et si bien que le brave homme, de guerre lasse, lui accorda ce qu'elle demandait, et finit même par lui donner un mot de recommandation pour l'un des meilleurs policiers privés de Londres, Norman Smith Adams. À cette époque, Norman Smith Adams avait 50 ans. C'était un grand Écossais, blond, aux yeux à fleur de tête, haut et large comme une armoire, très robuste et merveilleusement perspicace. Une femme dans l'affaire, dit-il pensivement, tout mauvais ou tout bon. Il emmena Elsa dans une pièce voisine, lui montra un plan de Londres divisé en 8 secteurs. « Il y en a 7 qui travaillent là-dedans, dit-il. Le secteur 8 est à prendre. Il faudra, et vite, Vérifiez ce que l'on a pu proposer aux bijoutiers, joailliers, revendeurs. Vous leur proposerez 10% de la prime. Il y en aura autant pour vous si vous réussissez. Compris? Oui? Acceptez-vous? Oui? Bon. Achetez un plan de Londres. Relevez vos limites sur ce plan. Et en route. Et de la méthode, hein? Commencez par parler de la commission. Et examinez bien la tête que font ceux à qui vous vous adresserez. Elsa acheta le plan, traça à la règle et au crayon bleu les limites de son secteur, qui formait à peu près le demi-quart sud-est de l'énorme ville. Et elle commença méthodiquement son travail de vérification avec une constance digne d'un sort meilleur. Elle y passa la journée, s'acharna à fouiller, l'une après l'autre, toutes les boutiques, se fit rebuter, railler, mettre à la porte, parfois avec rudesse, souvent avec pitié, et rentra chez elle, à 9 heures du soir, fourbu, découragé, crotté jusqu'aux reins, les pieds meurtris, les jambes douloureuses, et fort peu disposé à recommencer un pareil métier. Assise dans son lit, la nuit, le menton presque sur les genoux, elle réfléchit et se posa cette simple question « Si j'étais à la place de ces deux hommes, que ferais-je ?» Et lentement elle pensa « Il en est un qui est un gentleman, en apparence tout au moins. Il est élégant, son signalement, grand, brun, grisonnant, rasé, monocle à l'œil droit, jaquette et gilet noir, cravate plastron, belle perle noire, pantalon de fantaisie, souliers vernis, chapeau haute forme, très aimable, s'applique rigoureusement à 10 000 londoniens. L'autre, le cocher, conduit excellemment. C'est tout ce que l'on sait de lui, c'est peu. Que vont faire mes deux gaillards? Se transformeront-ils en voyous, en hooligans, pour essayer de vendre pierres et perles? C'est peu probable. Ont-ils des complices ici? Sont-ce des Anglais? Ce n'est pas prouvé. Alors? Elle eut alors le sentiment de la tâche écrasante qu'elle assumait et fut sur le point de tout abandonner. Pourtant, le lendemain, courageusement, elle recommença ses recherches. Mais auparavant, elle prévint loyalement Norman Smith Adams qu'elle abandonnait son service et sa méthode. Elle voulait seule tenter sa chance personnelle en suivant ses propres idées. Elle avait ainsi une chance sur 1000 de réussir. Chapitre 3e. Elle commença par dilapider ses économies en achetant plusieurs toilettes, puis un manteau de soirée chez des revendeuses. Elle dîna le soir, durant quelques jours, dans plusieurs bons restaurants, alla au théâtre, au music-hall, subit des propos malséants, rabroua quelques audacieux. Ses ressources s'épuisaient, et elle voyait avec dépit venir le moment où il faudrait réintégrer l'agence et recommencer son sempiternel métier de traductrice et de copiste, quand, un soir, elle distingua, dans la salle à manger du Cécile, deux hommes, très élégants tous deux, en habit, dînant à une même table. L'un était jeune, élancé, svelte, d'allure très française et parisien à coup sûr. L'autre, brun, grand, rasé, portant un monocle, s'exprimait avec un accent germanique peu prononcé, mais reconnaissable. Aux deux joues, au front, il portait ses coutures cicatricielles, dont les Allemands de classe cultivée se montraient naguère si fiers, car elles prouvaient qu'ils avaient été de glorieux étudiants, familiarisés avec les risques du duel à la rapière. Français et Allemands, quels sont ces deux hommes-là? Pensa Elsa. Une espèce d'angoisse inconnue d'elle la faisait halter. Que vais-je penser là? Je suis folle, se dit-elle. Elsa acheva rapidement de dîner et sortit dans le hall de l'hôtel. Les deux hommes, à leur tour, s'installèrent non loin d'elle. Elle les observa discrètement. Ils buvaient du café, fumaient de gros cigares. La main du plus âgé pendait, sortant, très blanche, d'une manchette évasée, à bouton à chaînette. Le regard d'Elsa se fixa sur ce bouton. Carré, à coin arrondi, il était orné d'une fleur en émail blanc et bleu. Une secousse électrique parcourut Elsa. Une phrase d'un papier de reporter concernant l'employé qui avait été dévalisé flamboya brusquement dans sa mémoire. « Quand je suis sorti du magasin, avait dit l'employé, un monsieur très bien mis qui venait d'acheter des boutons de manchette en or et un émail en sortait devant moi. » Une brusque émotion noua ses doigts de fer autour de la gorge de la jeune femme. Elle eut beau se répéter que ce détail était sans importance, elle ne pouvait quitter des yeux ce bouton. Elle suivit les deux hommes quand ils sortirent. Elle les accompagna à l'Empire. Elle les coucha sans avoir éveillé leur attention, c'est-à-dire qu'elle les suivit jusqu'à leur domicile, un bon hôtel des environs de Piccadilly. Le lendemain, de très bonne heure, elle revenait près de l'hôtel et se mettait à faire les 100 pas sur le trottoir opposé. Bientôt, elle vit amener, par un latte d'écurie, une fort jolie charrette anglaise, attelée de 2 cobals en clair, à la crinière blonde, à l'œil farouche et plein de feu. Quelques instants plus tard, le plus jeune des 2 hommes sortit de l'hôtel, monta sur le siège de la légère voiture et prit les rênes en main. Les cobs aussitôt s'ébrouèrent, l'un d'eux encensa, l'autre pointa, la charrette recula, et quelques curieux s'arrêtèrent pour voir comment cela allait prendre fin, car il y avait tout près de là un magasin de faïence. Mais, avec une souplesse rare, le jeune homme reprenait son attelage en main, obligeait les cobs frémissants à obéir, et les enveloppant au bon moment d'un magistral coup de fouet, les lançait d'un seul élan dans le flot des voitures. « By God !» dit le cocher d'un hansom cab arrêté près du trottoir. « Le cadet s'y prend bien, et c'est ce que c'est que des canards à sabots. » Elsa, frémissante, entendit le propos. Elle ne doutait plus maintenant que le jeune cadet fût le cocher qui avait si bien conduit à Paris, l'homme au bouton de manchette en or et en émail. Elle sentit qu'elle brûlait. Mais que fallait-il faire? Elle ne pouvait pas arrêter ces hommes. Muni de ces 2 quasi-certitudes, un détective moins novice qu'Elsa eût agi plus vite qu'elle ne le fit. Mais elle n'avait qu'un soupçon sur l'homme au bouton de manchette, une demi-assurance sur le cadet amateur de beaux chevaux, et pour les dénoncer, il lui manquait tout le moins un commencement de preuve. Elle reprit donc sa filature, les surveilla avec une constance merveilleuse, une patience à toute épreuve. Enfin, 2 jours avant l'expiration de son congé, elle vit le jeune et habile sportsman se diriger vers une banque. Elle le suivit. Il descendit au sous-sol où étaient les coffres-forts, remonta 10 minutes plus tard et à pied se dirigea vers le Strand. Là, il entra chez un grand bijoutier. Elsa, par chance, avait ce matin-là sa meilleure robe, son plus joli chapeau. Elle entra dans la boutique, demanda à voir des bracelets. Le jeune homme, nonchalamment assis devant le comptoir recouvert de drap grenat, regardait le joaillier qui examinait avec soin, à la loupe, une espèce de bille verte. Sur le comptoir, dans un petit carton, scintillait une 12aine de brillants. Tout en parlant avec l'employé qui lui soumettait des bracelets, Elsa avait suivi de loin la conversation des 2 hommes. Enfin, le joaillier reconduisit son client. La grosse bille verte était restée sur le comptoir. Elle se leva, s'en approcha. « Puis-je la regarder de près, sœur ? » demanda-t-elle au joaillier qui sourit en répondant « Mais oui, certainement, miss. » Elsa prit la grosse émeraude, l'examina, puis demanda combien pouvait valoir une telle pierre. « Si elle n'était pas percée, elle vaudrait, telle qu'elle, 1 millier de livres. Elle n'en vaut guère plus de la moitié, percée givrée comme elle l'est. Mais, coupée en 2, elle fera une très belle bague. » Elsa sourit, remercia et s'en alla. Elle l'étouffait de joie. Cette fois, elle les tenait, les 2 coquins. Elle courut à l'office de Smith Adams. « Je crois que j'ai mis la main sur les voleurs des 3 colliers. »« By Jove !» fit le détective. « Si vous avez fait cela, petite fille, je vous engage tout de suite, et je vous laisse la prime. »« Avez-vous le signalement des bijoux ?»« Oui, je l'ai enfin reçu avec les photos et les signes distinctifs. Faites voir, vite !» Norman Smith Adams prit dans un classeur une feuille imprimée par les soins de la police parisienne. Elsa la prit fiévreusement et lut. Parmi les 12 émeraudes, il en est une à peu près pure qui ne comporte qu'une faille en oblique. Elle est d'un beau vert sombre, de teinte très égale, légèrement dorée. « C'est bien celle-là, » dit Elsa. « Venez vite, courons !» 20 minutes plus tard, l'honorable Winter Springfield apprenait, avec horreur, qu'il s'en était fallu de peu qu'il ne se fît à son insu le complice de 2 voleurs. Ce ne fut que le surlendemain que l'on put enfin mettre la main au collet des 2 coquins fort stupéfaits de se voir découverts en si peu de temps. Ils avaient déjà réussi à vendre les 6 perles indépendantes pour 600 livres à un receleur qui fut arrêté un continent. En moins de 15 jours, l'actrice rentrait en possession de son bien. Elle fit cadeau d'une très belle bague à Elsa, mais son ami, le financier, rechigna fort à verser à la jeune fille les 10% de la valeur des bijoux, plus les 1000 livres de primes promises, et il fallut l'intervention d'un solliciteur qui le menaça d'un procès et d'une saisie pour l'amener à payer. Il prétendait, pour ne pas le faire, qu'Elsa n'était pas une détective professionnelle, qu'elle avait été servie par un scandaleux coup de veine, et que vraiment c'était payer trop cher une affaire de début. Quant aux 2 voleurs, ils étaient, l'un allemand et l'autre français, d'excellente famille. L'allemand même avait fait partie du corps diplomatique et s'en targuait volontiers, sans ajouter toutefois qu'on l'avait chassé comme un laquais de l'ambassade d'Allemagne à Vienne, 15 ans auparavant, à la suite d'emprunts trop souvent répétés à la caisse de propagande politique dont il avait la charge. 10 fois déjà, sa famille l'avait tiré de mauvais pas. 7 fois encore, elle s'interposa. Et l'ancienne actrice, bonne fille, ayant d'ailleurs retrouvé son bien, n'insista pas et retira sa plainte. Mais la justice anglaise ne badine pas. Il y avait eu sur le territoire britannique recel et ventes d'objets volés. Les 2 voleurs, ayant eu le front de plaider non coupables, furent déclarés coupables par le jury et condamnés l'un et l'autre à une énorme amende et à 2 ans de hard labor. Elsa, servie par la chance, avait dans cette affaire gagné 100 000 francs et commençait de faire sa réputation parmi les détectives professionnels. Ainsi prend fin une affaire bien parisienne.